Bonjour, bienvenue dans votre petit horoscope de la pleine lune du mois de juillet. Et auparavant, je vais vous donner une toute petite explication sur cette pleine lune. Alors, en juillet 2022, donc la pleine lune, elle va se produire le 13, le mercredi 13 à 18h40 GMT, c'est-à-dire à 20h40 en France. Et elle sera sur le zodiaque à 21 degrés du signe du Capricorne. Donc, petit rappel, quand la pleine lune en Capricorne se crée, eh bien, le soleil, lui, il est en cancer, et la lune, elle se situe juste en face, au degré près, en Capricorne. Donc, c'est une opposition soleil-lune. Alors, ce 13 juillet, la pleine lune en Capricorne, elle sera aussi une super lune, donc elle apparaîtra un peu plus grosse, un peu plus lumineuse que d'habitude. Bon, ce phénomène, eh bien, il se produit quand, au moment de la pleine lune, la lune, elle est à son périgée, donc c'est-à-dire sur le point de son orbite qui se trouve le plus près de la Terre. Je vous rappelle que la lune, elle tourne autour de la Terre en ellipse et pas en cercle parfait. Donc selon les moments, eh bien, elle est plus près ou elle est plus loin de notre planète. Astrologiquement, eh bien, la proximité de la lune avec la Terre n'a pas d'influence. Alors, la pleine lune en Capricorne, pour y revenir, c'est une pleine lune, donc pendant laquelle on ressent de très fortes émotions, mais on ne les écoute pas forcément, et on les met un peu entre parenthèses, on ne les exprime pas, et pourtant c'est le moment d'analyser les ressentis qui sont bien réels et qui sont mis en lumière par cette pleine lune. C'est le moment de les analyser pour mieux les comprendre. Donc c'est une pleine lune qui nous demande d'analyser les situations, de réfléchir, de peser le pour et le contre, avec sang-froid, avec concentration, avec objectivité. La pleine lune en Capricorne, elle attire aussi souvent notre attention sur notre sphère socio-professionnelle, sur nos ambitions, et elle peut aussi, à ce niveau-là, nous aider à y voir plus clair. Donc, en gros, ce n'est pas une pleine lune d'extraversion. Elle nous propose plutôt de nous isoler un peu pour méditer, pour nous recentrer. Alors, ça peut être quelques minutes, une heure. Je sais que le 13, il y en a beaucoup qui feront la fête, en France en tout cas. Donc, c'est pas trop. Ça va peut-être pas vous tenter de vous isoler pour méditer, mais trouvez un moment pour le faire et pour un petit peu être à l'écoute de ce qui se passe, de vos émotions, de vos ressentis, et pour mieux comprendre ce dont vous avez besoin. Alors cette première pleine lune, c'est la première pleine lune après le solstice d'été, eh bien elle va normalement nous aider à boucler tout ce qui fait partie du passé pour mieux nous tourner justement vers les projets de demain. Et notamment les projets à long terme, puisque le Capricorne, il encense tout ce qui est solide et tout ce qui perdure. Alors si on regarde plus précisément, donc je fais cela rapidement, le ciel de la pleine lune du 13 juillet 2022, on voit qu'elle est liée à l'opposition Mercure-Pluton, ce qui peut nous pousser peut-être à critiquer une situation qui est face à nous, à en constater les défauts, pour mieux comprendre et pour mieux approfondir cette situation. C'est vrai qu'il y a ici peut-être, le 13 juillet, pour certains d'entre nous, une prise de conscience qui va se produire et peut-être une réorientation de nos conceptions. Alors il y aura également un lien positif à Uranus en taureau et à Neptune en poisson qui indique que la pleine lune va nous souffler une solution d'ordre pratique pour régler une affaire qui est en cours et qui est sans doute liée à nos finances, à nos activités. Donc on peut se fier à la fois à notre inspiration et aussi à notre sens pratique, à notre sens logique. Et alors enfin, donc dans ce ciel, on voit que le nœud nord en taureau, il nous pousse à opter plutôt pour la tranquillité de l'esprit et il nous pousse à se simplifier la vie. Donc c'est le moment de trouver une solution, de faire avancer une situation qui nous semblait peut-être compliquée au départ, mais qui peut vraiment évoluer si ce soir de pleine lune, eh bien, on la regarde sous un angle neuf. Voilà, alors donc tout le monde est concerné par les pleines lunes. Ici principalement les signes du Capricorne, du Cancer, de la Balance, des Béliers, de la Vierge, Scorpion, Poisson, Taureau seront davantage concernés. Vous serez aussi plus sensible à la pleine lune si votre ascendant ou votre lune tombe dans l'un de ces signes. Mais pour ne laisser personne de côté, je reviens vers chaque signe avec votre petit horoscope. Alors, pour vous, amis Bélier, eh bien, concentrez-vous sur vos envies, sur vos besoins sociaux professionnels. Ça va être le moment de trouver une solution pour réaliser une ambition. Taureau, si vous envisagiez un stage d'été, eh bien, vous pourriez recevoir de bonnes nouvelles concernant cette formation. Et sinon, une solution pratique peut vous tomber dessus. Et globalement, vous devriez retrouver la paix de l'esprit. Alors pour les Gémeaux, c'est le moment d'éclaircir une situation financière ou d'améliorer l'état de vos comptes. Il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a que des solutions. Alors pour les Cancers, si vous avez des interrogations concernant le rôle d'un partenaire professionnel, prenez-le entre quatre yeux et levez les doutes. C'est le bon moment pour crever l'abcès. Lion, vous manquez de peps, ce qui peut réveiller des inquiétudes par rapport à vos responsabilités à assumer. Alors misez sur votre sens de l'organisation pour gagner du temps et pour éviter trop de sueur. Et puis si vous êtes en vacances, eh bien profitez et reposez-vous. Pour les Vierges, eh bien, entre les congés à venir, le travail chargé, les obligations pesantes, vous avez peur de ne pas avoir assez de temps et de ne pas pouvoir tout faire à temps. Alors la Lune, elle vous appelle à apaiser votre esprit puisque des aides sont là. Donc n'hésitez pas à faire appel à ces aides. Pour les Balances, vous cherchez le moyen de mieux équilibrer votre pôle privé et le pôle socio-professionnel. Écoutez les conseils de la pleine lune pour agencer parfaitement les choses. Pour les Scorpions, eh bien, votre flair et votre analyse fine vous aident à trouver des solutions pour éviter peut-être un conflit stérile, pour éloigner de vous sans violence des adversaires ou des obstacles. Sagittaire, face à des questionnements financiers, une dépense inattendue ou un budget vacances plus conséquent que prévu, ne paniquez pas, vous avez plus d'un tour dans votre sac pour résoudre ça. Capricorne, la pleine lune dans votre signe vous aide à ne pas rester paralysé par des craintes ou du découragement. Vous tranchez, vous enquêtez, vous décryptez, en tout cas vous trouvez la lumière dans l'ombre. Verseau, c'est le moment de vous confronter à vous-même, à vos peurs enfouies, comme à vos désirs profonds, d'analyser tout cela sans faux semblant. Vous vous sentirez ensuite soulagé, plus léger. Et enfin Poisson, une mise au point amicale, des frictions peuvent se régler. Vous avez l'occasion de vous réconcilier ou de vous rapprocher d'un ou d'une amie. Alors saisissez l'occasion et oubliez les ressentiments. En tout cas, je vous souhaite une belle pleine lune et je vous retrouve dans une petite quinzaine de jours pour la prochaine nouvelle lune. À bientôt !